Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a inspecté le processus de production des couvertures nouvellement aménagées à la filature Kim Jong-suk de Pyongyang et son nouveau pensionnat pour ouvriers. Il a été accompagné des cadres responsables du Comité central du parti. Le commandant suprême a tout d'abord visité le nouveau processus de production des couvertures. Il s'est renseigné en détail de la production et de la qualité des produits. Il a exprimé la satisfaction du fait que le processus de production des couvertures dotées de la brodeuse, de la machine pour tufine à plusieurs aiguilles, l'étaleuse d'étoffe et de la machine à coudre produit diverses literies comme couvertures pour hiver, été, printemps et automne, noces et lits. Il a dit qu'à part la noblesse et la beauté, les couleurs et dessins des couvertures conforment aux sentiments et goûts de notre peuple, qu'elles sont légères et douces et qu'elles attireront la clientèle et seront beaucoup recherchées une fois exposées dans les magasins. Le dirigeant suprême a beaucoup apprécié le fait que l'on fabrique diverses couvertures avec du velours, de la soie et d'autres étoffes des usines de l'industrie légère du pays, comme la soierie de Nyongbyon, après avoir affirmé que tous les matériels nécessaires à la production des couvertures sont aussi les nôtres. Devant les entrepôts des produits débordant des couvertures, il a dit qu'il a vu il y a quelques jours la nouvelle fabrique des serviettes de Pyongyang produisant des tas de serviettes, et qu'aujourd'hui, il voit à la filature Kim Jong-suk de Pyongyang l'abondance de couvertures et que cela lui fait beaucoup de plaisir. Il a dit « L'issue de la politique de l'industrie légère sera décidée d'après les produits de leurs usines qui plaisent ou non aux habitants. La filature Kim Jong-suk de Pyongyang doit fabriquer beaucoup de couvertures de bonne qualité très recherchées par le peuple. » Le commandant suprême Kim Jong-un a ensuite visité le nouveau pensionnat pour ouvriers. En le regardant, il a qualifié très chic et original et ajouté que la grande enseigne de pensionnat pour ouvriers sur le mur extérieur du bâtiment, relié avec l'installation de services publics d'ensemble par un couloir, montre bien que c'est la maison des ouvriers de la filature. Le dirigeant suprême a fait le tour de divers endroits du pensionnat. Dans le hall de l'entrée, il a dit que l'on a bien aménagé ces espaces conformément aux caractéristiques du dortoir, que la hauteur du couloir est adéquate et que la couleur murale est bien choisie pour donner le sentiment stable. Et de continuer. Les salles de repas et d'anniversaire sont coquettes. Les objets de décoration et les ustensiles de la cuisine ainsi que d'autres récipients aussi me plaisent. Nous allons offrir un grand festin dans la salle de repas pareille au salon de banquet le jour de l'entrée des pensionnaires. La salle de sport et de distraction pour les loisirs des pensionnaires après la journée de travail est également impeccable. On a installé dans les chambres à coucher la bibliothèque et les armoires pour assurer au niveau suprême le confort dans la vie et les femmes seront très heureuses de faire leur toilette devant le miroir. Le pensionnat pour ouvriers est construit de façon impeccable pour l'avenir lointain, conformément à la mentalité des femmes. Les meubles sont bien conçus et la qualité de la construction aussi est très élevée. L'établissement du système de chauffage géothermique permettra aux pensionnaires de vivre chaud même en plein hiver. Si le personnel de la filature dit que le nouveau pensionnat est le palais et l'hôtel unique dans le monde pour ouvriers, moi aussi j'en suis très satisfait. Une telle magnifique création pour ouvriers n'est propre que dans notre pays, monde des ouvriers. Si le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il l'avaient visité, ils en seraient très contents. La construction même du pensionnat pour ouvriers, qui réunit parfaitement toutes les meilleures conditions à la filature Kim Jong-suk de Pyongyang, permettra au personnel de travailler sans aucun inconfort et de mener à souhait une vie civilisée. Les cadres doivent savoir les difficultés dans la vie des ouvriers avant la production et les régler en priorité. Il faut savoir que la meilleure condition de travail signifie la haute productivité. Le pensionnat pour ouvriers de la filature Kim Jong-suk de Pyongyang est une création monumentale montrant la hauteur de la civilisation de l'époque du Parti du Travail de Corée et le haut niveau de notre actuelle architecture de grand essor du bâtiment. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a beaucoup apprécié les mérites des militaires de l'unité 966 de l'armée populaire de Corée, qui ont brillamment appliqué parfaitement et au prix de la vie l'ordre du parti, et leur a donné les remerciements du commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Il a qualifié la filature Kim Jong-suk de Pyongyang de levier de commande du secteur de l'industrie légère. Il a exprimé l'attente et confiance que les cadres et ouvriers de l'usine seront exemplaires de tout le pays, comme l'année passée dans la fière œuvre de cette année pour l'amélioration de la vie du peuple, tout en œuvrant dynamiquement à l'allure du maliement offert par notre parti, tout comme les ouvriers de la génération précédente qui ont fait honneur à l'usine lauréate du titre de Choliman à la tête de tous, profondément conscients du dessein du parti privilégiant leur usine.